Partir, est-ce mourir un peu ou procéder comme l'on peut ? 16 mai 2017, soir. Dîner en regardant le journal télévisé. Naufrage d'une embarcation chargée d'immigrés clandestins. Des jeunes, des bébés, une femme enceinte. Un de nos hommes politiques s'indigne. Nous devons absolument trouver les moyens pour mettre fin à ce fléau dont notre pays est victime. J'éteins la boîte à décervelés. Plus envie de manger l'autre moitié de tranche de viande, ni de finir le verre de vin rouge. Où trouve-t-il la force et le courage d'affronter la mer avec le risque de mourir ? Ulysse et ses compagnons au moins étaient des guerriers, connaissaient la navigation et devaient retourner chez eux. Mais ces jeunes, sans expérience, à la merci de passeurs véreux, sur une embarcation aléatoire, affrontant tous les moyens de surveillance policière, tous les obstacles, tous les dangers, allant vers un pays étranger, défendu par des forces hostiles armées, qu'est-ce qui les pousse de cette manière incroyable, en méprisant tous les périls ? Seulement la faim et la répression ? D'autres s'y résignent. Pourquoi alors préférer l'immigration clandestine ? Quitter la proie pour l'ombre ? Pourquoi pas, quand la proie est repoussante et l'ombre attrayante ? Eux, ils risquent la noyade en mer. Et moi, dans quelle mer je risque de me noyer ? Ne me suis-je pas déjà, voilà longtemps, noyé dans un marécage, par manque de courage ? Je prends mon portefeuille, l'ouvre, en tire une pièce de monnaie. Je la lance en l'air. Elle tombe sur la table, côté face. Face ? Oui, face. La chinoise avait dit « perdre la face ». 17 mai 2017, nuit, 2h30. Bien que tard, trop excité, dans mon crâne, c'est la guerre. Je sors. Le fleuve. J'arrête ma bagnole. Promenade sur un quai. La fraîcheur et l'eau, ça peut calmer. Je ne me souviens pas de la dernière fois où de nuit je me suis baladé près de l'eau, souvent comme cette fois-ci, à des moments de crise, d'incertitude. Mais à présent, j'ai une affreuse frousse, et plus grave, sans savoir pourquoi. Arrêt face aux flots qui coulent lentement, calme. Quelques réverbères les illuminent, leurs reflets dansent à la surface de l'eau sombre. À cette heure, silence, paix. Moi, au contraire, tumulte incohérent, troublant. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant ? La mort du collègue ? La chinoise ? Simplement la fatigue due à l'excès de travail ? L'âge qui avance, inexorable, comme cette eau du fleuve ? Est-ce aussi le manque de femmes ? La solitude, devenue insupportable ? Mon fils, ma vieille maman, je ne vous vois plus souvent. Pourtant, je vous aime. Mais je crains de vous déranger, de vous peser. Alors, quand vous désirez me voir, faites-moi signe. Et je viendrai avec le plus grand plaisir. La lueur rougeâtre d'une lampe danse en sautillant sur les courtes vagues, lumière joyeuse dans la préoccupante obscurité. Décidément, je me découvre poète. Mais l'estomac est douloureusement noué, la poitrine comprimée, et l'eau sombre attire, invite. Non, je ne peux pas offrir à ma mère un enfant suicidé, et à mon fils un père suicidé, et même s'il n'existe pas, n'est-ce pas lâcheté ? Une grave dépression, auparavant, m'avait porté à la funeste tentation. Une phrase, lue par hasard, heureux, m'a dissuadé. Le véritable courage consiste à être courageux précisément quand on ne l'est pas. Je n'ai jamais été particulièrement courageux. J'ai essayé, sans résultat. Un chant se fait entendre. À cette heure, je me tourne vers la direction de la voix. Un jeune couple, les bras enlacés amoureusement. La jeune fille chantonne, suave, tendre. Mon amour, oh mon amour, mon premier et bel amour, comment puis-je t'ignorer ? Comment ne pas t'adorer ? À toi seul tout sacrifier, mon amour, oh mon amour. Mes entrailles tressaillent, la chape de plomb saute. Oui, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Le passé ne s'enterre pas comme un cadavre. Il demeure dans l'armoire de la mémoire. À tout instant, une violente tempête et le voici surgit en commandeur. Où trouver la force de t'affronter, surtout quand les années ont ramolli l'énergie, quand les épreuves ont anéanti l'idéal ? Qui est le vrai moi ? Celui de 20 ans ou celui de 60 ? Ô ivresse du rêve, ne sois jamais trop brève. 17 mai 2017, pause du déjeuner au bureau, Pékin. Il y a des pays ignorant le printemps, et dans d'autres pays il apparaît un temps. Mais où est la contrée toujours illuminée ? 20 mai 2017, nuit. Avec Alice, au restaurant chinois. Typique, comme partout en Occident. Langoureuse musique moderne en sourdine, dessins de dragons jaunes sur mur en bois rouge, serveuse en belle robe traditionnelle, moulant avantageusement le corps et, dans un angle, une statue dorée d'un Bouddha bedonnant et souriant. Alice a une cinquantaine d'années, fille d'immigrés, élégance et beauté, visage naturellement bronzé, charmant sourire augmentant l'éclat de grands yeux marron clair. « Tu as bien fait de m'appeler pour se voir, » dit-elle joyeusement. « Il y a bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. »« Je dois partir en voyage, » dis-je. « Comme toujours, c'est ton karma de pigeon voyageur, et tu aimes ça. » Cette fois-ci, où ? Londres ? New York ? Ailleurs et plus loin. Oh, qu'est-ce qui peut être ailleurs et plus loin ? Elle réfléchit un instant. L'Afrique du Sud ? Non. L'Inde ? Non. L'Australie ? Non. Alors, le Japon ? Non. Elle cherche. Il ne reste que la Chine, l'Empire du Milieu. Sourire affirmatif de ma part. Ah, réplique Alice, je vois. Le nouveau concurrent mondial, gros business, plus gros que d'habitude. Non. Non ? S'étonne-t-elle en écarquillant ses splendides prunelles. Alors pourquoi ? Mon silence entretient le suspense. Alors pourquoi ? Insiste-t-elle gentiment. Pour le plaisir. Ce mot me brûle la langue. Oh, oh, le plaisir. C'est la première fois que j'entends ce mot de ta part, ai-je bien entendu ? À toi de répondre, c'est toi la psychologue. Son regard, déjà brillant, scintille davantage par la curiosité. Je comprends sa réaction. Ce mot, plaisir, moi-même, j'en suis surpris. Puis-je savoir quel plaisir ? Demande Alice, taquine. Que répondre, sans dire la vérité, et toutefois, sans mentir ? Je hasarde. Un vieux rêve ? Plaisir, rêve. Il y a du changement dans l'air, mon cher ami. Et je le trouve bon, très bon, je dis même excellent. Puis-je en savoir plus ? Aïe, me voici embarrassé. Elle le remarque. Je connais sa sincère affection amicale pour moi, sa compétence professionnelle comme psychologue, sa sensibilité humaine. Et moi, j'ai tant besoin de voir clair en moi-même. Mais quelque chose me dissuade de dire plus. Timidité, orgueil de m'en tirer tout seul. Secret professionnel, dis-je d'un ton plaisantin. Ah, conclut-elle. Voilà revenir les mots habituels. Je secoue la tête en levant les deux mains en signe de fatalité. D'accord, je n'insiste pas, se résigne Alice. Mais rappelle-toi, je reste disponible. Puis-je au moins savoir quand tu partiras ? Je ne sais pas, mais c'est décidé. Elle lève son verre rempli de vin rouge, je prends le mien, et les deux s'entrechoquent. J'espère que le voyage te fera du bien, souhaite Alice de sa voix la plus tendre, en s'efforçant de ne pas montrer son émotion. Un homme s'approche, tout souriant. « Hé, c'est toi ?» Surpris et content, je me lève. « Salut, » dis-je. On se serre la patte. « Le Kilimandjaro se couvre de neige, cher ami, » remarque le nouveau venu en indiquant mes cheveux blancs. « Ah, le con !» Le vainqueur est vaincu, mais il a survécu. Encore 20 mai 2017, plus tard dans la nuit. Impossible d'abaisser les paupières. Une vingtaine d'années auparavant, dialogue avec ma chère moitié. Je crois l'avoir déjà décrite. Précisons le portrait. Beauté conventionnelle, celle des spots publicitaires, visage chaleureux comme une lame d'acier, regard hautain écartant toute illusion. Bien entendu, tout ça, j'ai mis un peu de temps pour m'en apercevoir. Entre nous, il n'y a ni vaincu ni vainqueur, affirma-t-elle, arrogante. Il y a vaincu, dis-je avec mélancolie, et c'est moi. Elle me fixa sans comprendre. Trop compliqué pour elle, malgré sa licence universitaire. J'expliquais. Bien que la décision du divorce c'est moi qui l'ai prise, je me considère vaincu. En voici le motif. C'est moi qui ai voulu construire avec toi une famille heureuse, puis je me suis rendu compte de mon erreur. Évidemment, rétorqua-t-elle, c'est toujours moi la fautive, toujours la femme. Quand le mâle réussit, tout le mérite est pour lui, mais s'il échoue, c'est la faute de la femelle. Quelquefois c'est comme tu dis, dans notre cas c'est différent. Pourquoi donc ? J'ai simplement voulu que tu prennes au sérieux tes responsabilités, que tu finisses par comprendre que la vie n'est pas un rêve, mais une dure réalité à laquelle il faut se conformer pour ne pas succomber. Tu crois que c'est l'argent qui résout tous les problèmes ? Et c'est toi qui poses la question, toi, fonctionnaire de banque ? Pourquoi alors, quand je t'ai connu, tu m'affirmais que l'argent ne compte pas? Parce que tu travaillais dans une banque, parce que j'étais persuadé que tu étais conscient de la valeur primordiale de l'argent pour bien vivre. Pour bien vivre ou pour s'obséder à acquérir l'inutile, le dérisoire, le stupide? Elle me lança un regard de harpie. Encore des insultes? Je me jetai dans l'arène. Qui donc as-tu épousé, un homme ou un compte en banque? Elle répliqua avec fermeté. Un homme qui a un bon compte en banque. C'est peu de dire que j'en fus profondément blessé et furieusement agacé. J'attaquai. Que peut désirer d'autre une femme sans cœur, même pas pour aimer son enfant? Quoi? Oui, tu n'aimes pas notre enfant. Je ne t'ai jamais vu le regarder avec tendresse, le prendre dans tes bras, le caresser comme le fait normalement une maman. Elle entr'ouvrit la bouche pour contester, mais je poursuivis l'offensive ou plutôt ma défense. Je sais, c'est ma faute. C'est moi qui avais mis comme condition de notre mariage d'avoir des enfants. Pourquoi as-tu accepté? Ne savais-tu pas que tu n'aimais pas les enfants? Pourquoi n'as-tu pas eu le courage et l'honnêteté de le dire? Oui, je sais, parce que le mariage était ce qui t'intéressait le plus, avec un fonctionnaire de banque bien placé. Tu me dégoûtes. Je ne te permets pas, coupa-t-elle, acide. Je n'écoutais pas. Je vidai mon sac de ressentiment en frappant violemment mon genou droit de ma main. Comment ai-je pu être aussi con de ne pas attendre de mieux te connaître avant de me marier avec toi? Tu as été bien rusé en jouant à l'amoureuse éperdue. Ma décision fut prise, divorce. Quelques jours après, elle quitta l'appartement, prenant avec elle notre enfant de 2 ans. Ouf, libéré d'un poison, mais écrasé par un sentiment d'échec. Mon enfant me manque douloureusement. J'ai tellement souffert d'avoir eu un père très avare d'affection. Alors, ne plus en donner à mon enfant, c'est horrible. Combien de larmes versées, les siennes et les miennes. Arriva la conséquence, Madame Dépression. Mon travail l'ignorait. Mais avec le temps, elle s'aggrava. Perte de l'appétit, désir sexuel évanoui, isolement de toute histoire sentimentale ou simple amitié. Puis insomnie, puis cauchemar, le même. Un inconnu pénètre dans ma chambre, coutelas en main, pour me tuer. Le plus grave arriva. L'irrésistible envie d'ouvrir la fenêtre et de me jeter sur le pavé. Dans la rue aussi, l'impérieuse pulsion de me lancer sous les roues d'un autobus. Enfin, en conduisant ma voiture, l'implacable voix ordonnant « Fonce !» contre le mur. Par chance, beau doux visage, vieille maman et petit fiston m'ont dissuadé. Jusqu'à quand? Que ce soit la proie ou l'ombre, chacune a son côté sombre. 21 mai 2017, soir, maison, Pékin. Quand on manque de vie, voici la poésie pour vaincre l'aphasie de tout l'inassouvi. Mais il reste l'envie avec la frénésie. 22 mai 2017, soir. Ce matin, visite chez ma toubib. Je l'informe de mon besoin de conseils à propos des risques de santé en Chine. Peu de choses suffisent, me rassure-t-elle. Un antibiotique à large spectre, une pommade contre les piqûres d'insectes et de l'aspirine en cas de fièvre. Pour le reste, le pays est bien équipé et en dernier recours, tu peux me téléphoner. Dans une pharmacie, j'achète les médicaments. Je regagne ma voiture. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens détendu, un peu. Une grosse cylindre noire s'approche de la mienne. Le conducteur me demande si je dois partir. Un chinois, accoutré de manière à montrer sa richesse carnavalesque. Chaîne au cou, gros bracelet au poignet, bague énorme, tout en or massif. Oui, je pars, dis-je. Je démarre. Rapidement, j'opère une inversion et continue dans la direction opposée. J'arrive au quartier des immigrés venus d'Asie, en particulier de Chine. Promenade dans les rues. Boutiques et magasins, presque tous gérés par les citoyens de ce pays continent. Ils vendent de tout, vêtements, chaussures, bibelots, alimentation, autres types de marchandises. Aussi restaurants, salons de coiffure, studios de massage, alléchantes images. Sur les devantures, inscriptions plus en chinois que dans notre langue. Ils aiment bien leur langue. C'est ma première introduction à l'empire du milieu. Mais vite, je remarque que ces représentants, à l'intérieur ou sur le seuil des boutiques, me regardent à peine. La plupart évitent mes yeux ou manifestent de l'indifférence. Curieux. Les commerçants du monde entier sont ouverts, accueillants, intéressés, sinon par les personnes, du moins par l'argent à gagner. Pourquoi ici cet étrange comportement? Je m'approche de l'un des Chinois debout sur le seuil d'une boutique. Son attitude et son regard me dissuadent. Peut-être ce sera plus facile avec une femme. Je dévisage avec gentillesse quelques chinoises, en essayant de rencontrer mes yeux avec les leurs. Les regards fuient, les autres se baissent rapidement vers le sol. Quel malaise! Pourtant, dans les restaurants gérés par des Chinois, ceux-ci sont accueillants, souriants. Pourquoi ici cette froideur? Serait-ce la même pénible situation en Chine? Fin de matinée, déjeuner chez ma mère. 80 bougies. Visite chaque semaine, régulièrement. Cependant, chaque fois la peine de constater l'inexorable vieillissement. Mais l'expression toujours fraîche, toujours les doux yeux maternels. Elle enseignait la musique dans un lycée. Quand je parvins à l'âge de comprendre, elle m'expliqua son plus cher désir, me voir physiquement beau, psychiquement harmonieux. Mon père, fonctionnaire à la Banque mondiale, privilégiait au contraire deux autres caractéristiques, me voir conquérir la richesse et savoir l'augmenter. Constatation curieuse. Enfant, j'ai d'abord voulu être beau et harmonieux. J'ai étudié la musique. Puis je suis devenu conquérant de richesse, comme fonctionnaire de banque. Mes aventures de l'existence, mais sans Ariane pour m'offrir le fil à suivre. En vérité, elle vint à mon secours, mais je ne sus pas saisir l'occasion. La salle à manger de maman est meublée avec goût. Fraîche marguerite blanche, dans sa vase, déposée sur la table. « Je t'ai préparé le plat que tu préfères, » annonce-t-elle, toute contente. « Une belle tranche de viande d'agneau, des frites et une salade mixte. »« Magnifique, maman, merci. » Nous commençons à manger en silence. Nous nous sourions, de temps en temps, mais l'esprit de chacun est occupé par des questions inquiétantes. Combien de temps vivrai-je encore ? Se demande certainement maman. Et moi, jusqu'à quand aurai-je le plaisir de jouir de son amour ? Nous savons les jours comptés désormais. Ma bonne maman préfère rompre le silence. Alors, cette grande nouvelle ? Interroge-t-elle. Je pars en voyage pour un peu de temps, maman. D'habitude, tu es plus précis, s'efforce-t-elle de plaisanter. Je cache ma gêne. Et si maman meurt alors que je suis loin ? Probablement elle aussi pense. Et si je meurs pendant son absence ? Je vais en Chine, maman. En Chine ? Ta banque a maintenant des relations avec ce pays ? Non, cette fois-ci, c'est pour... Je ne trouve pas le mot adéquat. Les tendres yeux de maman fixent les miens profondément pour déceler ma pensée. Je dois être sincère, comme toujours, mais cette fois-ci, en restant vague. Pour me détendre, prendre un peu de vacances. Pourquoi si loin ? J'avais prévu la question. J'ai besoin de changement d'atmosphère, voir quelque chose de nouveau, tout à fait différent. Et ma mère hésite, puis se décide, tout seul ou avec une amie ? Tout seul, maman, comme un grand. Pour la détendre, j'éclate de rire, mais légère déception de maman. Elle tente de la dissimuler pour ne pas montrer son inquiétude, pour ne pas me préoccuper. L'essentiel, conclut-elle, la voix un peu nouée, est que tu penses enfin à toi-même, mon enfant. Et pas seulement au travail. C'est une très bonne chose pour toi, et donc une très bonne nouvelle pour moi. Oh, maman si aimée, j'empêche mes larmes de couler. Elle a prononcé les mots qu'il fallait, ceux que j'aime entendre. Mais au fond, quelle anxiété. Nous séparer sans savoir quand nous revoir, être si loin l'un de l'autre avec l'incertitude de l'existence quand on s'aime tellement. Quitter maman en ce moment, est-ce bien, est-ce correct ? La main maternelle étreint la mienne. « Tu n'es pas fatiguée de vivre seule depuis tant d'années ?» se préoccupe-t-elle. « De dormir seule, de manger seule ?» Je la rassure. « Quand je trouverai la femme juste, je te la présenterai avec plaisir. Ce sera le plus grand cadeau que tu me feras. » Elle ajoute. « Fais-le le plus tôt possible, car on ne sait jamais. Le temps passe. » Ah, la mère allusion. « Justement, dis-je, parce que le temps passe, il faut le vivre le mieux possible. » Mon esprit objecte. « Quitter ta mère et aller loin ?» Est-ce là vivre le mieux possible ? Je prends doucement la main de maman, cette main ridée par le temps, tremblante légèrement, main qui m'a donné les premières caresses et continue à les donner. Avec délicatesse, je serre cette main sacrée dans la mienne en interdisant aux larmes de monter à mes yeux. Advienne que pourra, tel est l'ultime choix. 22 mai 2017, après-midi, banquette sur une petite place, Pékin. Ciel nuageux, éclaircis-toi. J'ai tant besoin de ta lumière. Mon cœur en a trop de l'hiver. Sois bon, écoute ma prière et donne-moi un peu de joie. 23 mai 2017, avion Paris-Pékin. Ce matin à l'aube, j'ai écarté le rideau de ma chambre à coucher et je regardais le ciel, totalement gris, par de gros nuages assombris. Brusquement, mon cœur bat plus rapidement. Le moment est venu. Maman dort-elle ? Impossible. Je la connais très bien. Elle doit être éveillée et inquiète. Je suis presque certain qu'en ce moment, elle aussi contemple le même ciel. Est-ce vraiment raisonnable de partir ? C'est l'ultime sifflement du train. Cependant, maman n'a pas besoin d'un déprimé auprès d'elle. Dernier coup d'œil à mon lit, dégoût. Il accueillit trop de souffrances, trop d'insomnie, trop de chagrin, trop de vilainie. Mes yeux vont sur la table de chevet, à la photo encadrée et posée. Elle est récente. J'avais photographié maman, la tête bien droite, vêtue d'une robe élégante, et sa tranquille expression charmante. J'enlève la photo de son cadre et je mets ce talisman dans mon portefeuille. À l'aéroport, je pose ma valise sur le tapis roulant. Étrange sentiment, joie mêlée de tristesse. La valise s'éloigne lentement, bascule, disparaît derrière un rideau de caoutchouc noir. Ma vie, elle aussi, s'engage dans un tunnel. À l'autre bout, trouverai-je la lumière ? Je tressaille. Et si l'avion ? Allons !